présent, mais tous Sébastien sont enseignants, sont des historiens. Merci d'être présent à cette séance. Avant de commencer, de présenter l'objet de la séance, nous souhaitions donc vous montrer un vidéotract qu'a réalisé Thierry Noël. Donc je donne la parole à Thierry qui le présente lui-même. Et puis on reviendra ensuite sur l'objet de la séance. Bon, merci beaucoup. Je vais être très rapide parce que vous êtes nombreux, il y a plein de choses à voir. Bon, je remercie ceux qui parlent aujourd'hui de me laisser trois petites minutes, pour 2, il fait 2:35. C'était juste le 7 janvier, évidemment, j'ai été secoué comme tout le monde, les jours d'après aussi, et il m'a semblé qu'il était important peut-être de trouver une manière pour réagir. Et le 12, donc après la manif du 11, je me suis dit que peut-être il fallait relier ce qui s'est passé à une pratique qu'on avait eue dans le cinéma donc dans les années 68, en mai-juin. En ce qui me concerne, c'était en septembre. Et de faire, avec les moyens qu'on avait, des petits films. Donc le ciné-tract, pour ceux qui ne savent pas, c'est 3 minutes d'une bobine 16 mm noir et blanc. On met dans la caméra, on tourne et on monte dans la caméra avec des photos et des textes, on envoie la bobine au labo, elle revient et on peut la projeter. Donc c'était une interrogation sur tout le dispositif du cinéma, qui est donc un cinéma professionnel. Là c'est plutôt un débat collectif où on mélange professionnel et amateur. C'est tourné monté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout le dispositif très complet du cinéma, pas de son. Et puis au niveau de la diffusion, c'est aussi la possibilité de lancer un débat avec le public et donc aussi de rendre le public lui-même créateur, soit d'actes militants, puisqu'il y avait une visée militante, soit aussi de faire lui-même des ciné-tracts. Voilà le projet. J'ai fait quelque chose de spontané, je n'ai pas respecté toutes les règles du ciné-tract de l'époque, puisque c'est en vidéo. Et puis je voulais faire un hommage à quelqu'un que j'ai filmé au cours d'un film qui s'appelle Grève à la chaîne, qui est Cabu. Et j'ai mis quelques jours à m'en rappeler. Je crois que l'émotion m'a débordé. Chaque fois qu'on disait Cabu, il y a quelque chose qui m'arrivait. Et puis je me suis rappelé tout d'un coup, mais je l'ai filmé et je voulais lui rendre un hommage, ainsi qu'à Charlie Hebdo, ainsi qu'aux personnes juives tuées à l'époque. Et puis, en ce qui concerne la police, je trouve assez amusant qu'un des ciné-tracts, si on peut dire, qu'on avait fait à l'époque, s'appelait Je suis un flic, et que la destination du ciné-tract était évidemment complètement contraire, puisque c'était une espèce de dénonciation paranoïaque de la présence des flics parmi nous. Et évidemment, quand on a applaudi la police le 11 janvier, ça faisait assez étrange par rapport à l'attitude qu'on pouvait avoir vis-à-vis de la police 40 ans avant. Voilà. Donc le petit bouillot au trac s'appelle juste Charlie. Je l'ai juste signé à la fin. À l'époque, les cinétracs étaient anonymes, collectifs, mais pour des raisons de protection vis-à-vis d'Internet, puisque tout circule, j'ai préféré mettre un nom pour qu'on sache d'où ça vient. Voilà. Mais il doit être renouvelé par le syndicat qui souhaite que le PRI continue. hier, t'étais pas là au moment où il fallait suivre la qualité. Merci à Thierry pour ce vidéotract qui ressaisit effectivement un certain nombre de questions qu'on avait aussi abordées en rendant hommage avec un autre extrait aussi en fin de séance précédente. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'expérience vidéo de la Maison de la Culture d'Orléans. C'est Pierre Muller qui va être notre invité principal, plutôt le chef de cérémonie avec ses invités pour relater cette expérience extrêmement riche. On n'a jamais eu autant d'extraits, autant de diapos sur le PowerPoint et on a beaucoup d'invités, donc on va essayer... On a très peu à dire. En tout cas, le voyage va être riche, assurément. Donc Pierre Muller, ancien responsable sectoriel, d'animation audiovisuelle de la MCO, entre 1976 et 1984, à sa gauche, je présente quand même tout le monde déjà, donc à sa gauche, Dominique Cabrera, cinéaste évidemment, à la gauche de Dominique, Philippe Gasnier, documentariste, à sa gauche, Jean-Louis Gonnet, cinéaste documentariste également, et à la gauche de Jean-Louis Gérard Touche. Qui a lui-même été ancien animateur audiovisuel à la MCO entre 1982 et 1985, puis producteur indépendant, en l'occurrence Prospective Image, à Orléans. Bon, en fait, on ne va pas parler, nous, aujourd'hui, quasiment, on va vraiment laisser à Pierre le soin de vous accompagner, de nous accompagner dans ce voyage. Mais nous, on avait quand même une toute petite surprise tout de suite pour commencer. À vous montrer, c'est un extrait de la télévision qui montre finalement déjà combien effectivement, mais ça tu vas revenir dessus évidemment Pierre avec tes invités, mais combien donc la Maison de la Culture d'Orléans était dotée d'un matériel vidéo extrêmement riche, extrêmement performant, conséquent. Et donc on a trouvé quelques images de la MCO en 1975. Et donc ça nous permet. 75, j'étais pas là. Oui, mais c'est juste avant que tu arrives, précisément. Désolé. Après, il y a tout que c'est. Alors, ça, c'est le matériel qu'on voit et celui qu'on ne voit pas, Dominique Fournier. Ce qu'on ne voit pas, c'est peut-être l'utilisation que l'on peut faire de ce matériel, mais en dehors de cette salle. Dans cette salle, on peut voir des films, on est un petit peu comme devant chez soi devant l'écran de télévision, on est passif, mais avec tout ça, on peut devenir créatif. On peut faire soi-même sa propre télévision. Alors c'est ainsi que, durant tout le mois d'octobre, mais également durant toute la saison et les années à venir, la MCO a une politique d'animation, de création, grâce à la vidéo. Vous savez, la vidéo, c'est une caméra, un magnétophone, un magnétoscope qui enregistre l'image et le son, et puis c'est un écran de télévision qui vous permet immédiatement de voir ce que vous avez enregistré. Et bien avec ça, avec les différents groupes, les associations qui montreront de l'intérêt pour ce matériel, la MCO fera des activités de formation, de production. Michel Veillon, c'est le nouveau joujou de la MCO. Joujou, oui, mais enfin peut-être aussi quelque chose de plus important pour nous, qui nous sommes efforcés de mettre en contact nos adhérents et le public orléanais avec la production actuellement difficile à connaître et morcelée de la vidéo. Donc notre problème, le premier problème à résoudre a été de permettre la diffusion de tous les différents standards des bandes et nous allons à partir de la fin de la semaine justement donner ce joujou au public ici en espérant qu'il l'aimera et qu'il s'en servira. Michel Cabot, c'est alors le mot de la fin. Oui. Eh bien, disons que pendant un mois, tout le mois d'octobre, à partir du 3, le public orléanais pourra voir ici une série de bandes vidéo qui sont des reportages, des documentaires sur des thèmes finalement assez divers, que ce soit les femmes, que ce soit l'art, que ce soit au contraire l'actualité sociale. Et chacun est invité un peu à venir participer de notre activité vidéo au mois d'octobre et par la suite également. Alors c'est vachement intéressant, parce qu'effectivement ça date de 1975, donc de l'inauguration de la Maison de la Culture d'Orléans et de sa vidéothèque, puisque c'était comme ça qu'on l'appelait. C'est vachement intéressant parce que la première personne qui parle, c'est Dominique Fournier. Et Dominique Fournier, il était responsable de quoi à la Maison de la Culture d'Orléans? Du cinéma. Donc c'est pas inintéressant par rapport, pour ceux qui ont suivi les autres épisodes, par rapport à ce qu'a pu vivre Thierry à La Rochelle, etc., les gens du cinéma qui chapeautaient forcément cette vidéo dont on ne savait pas très bien quoi faire. La deuxième personne, c'était le responsable de la vidéothèque, Michel Veillan, et vous entendez parler dans la bouche de l'animateur cinéma, vous entendez parler d'animation. Dans la bouche de Michel Veillan, vous entendez parler de joujou et de diffusion. Et ces mots-là ne sont pas anodins. Et enfin, le dernier qui parle, c'est le responsable des relations publiques de la Maison de la Culture de l'époque, Michel Cabot, qui a fini brocanteur, mais je pense que ça n'a aucun rapport. En fait, quand je suis arrivé, moi, en 76, auparavant, on m'avait demandé de faire une espèce d'audit de ce qu'était devenu la vidéothèque d'Orléans quelques mois après son inauguration. Et l'audit s'était révélé catastrophique, c'est-à-dire qu'il ne se passait plus rien. Dominique Fournier était parti entre-temps sévir à La Rochelle, comme animateur cinéma, avant de devenir directeur, responsable des programmes de France 3 Aquitaine, puis de France 3 Nationale. Il y a quand même des animateurs de la Maison de la Culture qui ont mal tourné. Et alors, la vidéothèque, Michel Veillon était plus ou moins sur le départ. Il se passait plus rien, il n'y avait plus d'animation. On y diffusait quelques vidéos, quelques bandes des vidéogazettes de Grenoble, mais le plus gros de la programmation était assuré par une salle parisienne qui s'appelait le Videostone et qui diffusait essentiellement des productions autour de la musique punk. Filmé punk, musique punk, filmé punk. Et donc il y avait pratiquement personne. Donc j'ai fait mon rapport au directeur de l'époque, Olivier Catian, en lui disant que c'était une catastrophe, en me disant, bon ben je ne serai pas embauché, mais tant pis, j'ai vidé mon sac et tout ça. Et à ma grande surprise, ils m'ont engagé, donc en 76, en janvier 76, je suis arrivé à Orléans avec une idée très claire de ce que je ne voulais pas faire, c'est-à-dire pas continuer ce qui était en cours, sans très bien savoir comment faire autrement, puisque moi je venais d'une formation audiovisuelle un peu particulière, et puis j'étais quand même bien dans la mouvance anarchiste et dans le film militant et d'animation. Ça c'est des images de moi quand j'étais jeune et beau. Donc ça c'est pendant mes études, dans une école particulière qui formait à la fois aux techniques vidéo, cinéma, ce qu'on appelait le multimédia à l'époque, c'est-à-dire qui était montage diapo amélioré avec du film 16mm, etc., et des synchronisateurs SIMDA, enfin une usine à gaz, et aux techniques radio. Ça c'était pour la partie technique, mais ce qui était plus intéressant, c'est qu'on nous formait également à la psychologie de groupe, à la conduite de réunion, à la sociologie des médias, et en 72, à la sémiologie de l'image, qui n'était à l'époque même pas une discipline universitaire. Et c'est plutôt ces composantes-là de la formation qui m'ont servi après. Donc là, ce sont des images d'un tournage d'une émission vidéo, décor peint par mon frère. Et bon, c'est anecdotique, c'est une production. Et on voit l'influence de Jean-Christophe Averty sur des vidéos qu'on pouvait faire à l'époque. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on mette cette image-là, parce qu'elle était très, très référentielle. Voilà. Bref. Arrivé donc à Orléans, je me retrouve devant ce lieu fermé par une double porte opaque, sans aucune signalétique, caché derrière ce qu'on appelait la médiathèque, qui était en fait une bibliothèque sonothèque de près, avec une fréquentation, je l'ai dit, quasi nulle, un matériel complètement hétéroclite, c'est-à-dire qu'il avait vraiment été orienté pour la diffusion, mais avec quand même deux porte-à-packs Sony, un Akai quart de pouce, un banc de montage IVC 1 pouce et une régie noir et blanc, avec deux caméras sur pied et un banc titre qu'on voit d'ailleurs dans les images de la 3. Je donne ces précisions techniques parce qu'elles contribuent à expliquer la mauvaise qualité des images que vous allez voir, qui sont des quasi-incunables. C'est-à-dire qu'elles ont été conservées pendant un temps aux archives départementales sans aucun soin. Elles se sont bien dégradées, mais dès le départ, c'était des images qui, du fait qu'on tournait en demi-pouce, qu'on recopiait en un pouce pour le montage, qu'on montait en un pouce et qu'ensuite on redescendait en demi-pouce à la diffusion, étaient des quatrièmes générations. C'est-à-dire qu'un original de montage, c'était déjà une quatrième génération de copie, à cause de cette technologie aberrante. Et il a fallu attendre les années 80 pour qu'on puisse être équipé en pneumatique et qu'on puisse commencer à produire des choses un peu plus sérieuses, quoi. Ça, c'est pour la partie technique. Donc, militant, gauchiste, etc. Je commence à essayer de faire un peu de diffusion avec les bandes de l'époque, mon œil, etc. Sans grand succès. L'audience reste extrêmement faible et sporadique. Je m'en sors un peu mieux avec les animations scolaires et les ateliers vidéo en direction des publics, on va dire, plus ou moins captifs. Hein, l'université du troisième âge. Et quand même en direction des publics adolescents, parce qu'il n'y avait rien à ce moment-là qui était proposé aux adolescents, donc sur temps de loisir. Et tout ça était le gros de l'activité en 76, sachant qu'à l'époque, le directeur Olivier Catian, qui était un homme de théâtre, ne considérait absolument pas la vidéo comme un outil possible de création, et qu'il fallait que tous les moyens soient inféodés à sa production de fin d'année, qui était généralement quelque chose d'assez racoleur pour tourner dans le département du Loiret autour de thèmes plus ou moins folkloriques. Ça, là, on voit le tournage, une photo de tournage d'une bande-annonce de la tournée d'été d'Olivier Catian en 76. Néanmoins, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait savoir dans les publications de la MCO et dans le peu de presse qui s'intéressait à nous à l'époque qu'il y avait des moyens de production et qu'on était ouvert à ça. Et dès la première année, les gens qui sont venus étaient des gens qui, finalement, étaient les bienvenus parce qu'ils avaient un peu les mêmes préoccupations que moi. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de la parole, ils cherchaient à la voir, mais les médias ne leur étaient pas ouverts, et ils avaient des choses à dire qui étaient plutôt revendicatives. Ça a été le cas du mouvement pour une alternative non violente qui, non pas sous ce nom, mais sous des noms individuels, ont fait un film sur les fêtes de Jeanne d'Arc à Orléans. Alors les fêtes de Jeanne d'Arc à Orléans, c'était une espèce de... Je ne sais pas comment on peut parler des fêtes. Dominique, comment on peut parler des fêtes de Jeanne d'Arc à Orléans ? C'était une espèce de grande manifestation de la bourgeoisie orléanaise autour de la commémoration de la délivrance d'Orléans par la Pucelle. Et c'était un truc un peu particulier parce que pour incarner Jeanne d'Arc, il fallait être une jeune fille orléanaise depuis 4 générations. je ne sais pas si on faisait encore la vérification de sa virginité, mais c'était quand même un peu particulier. Et surtout, c'était un défilé de corps constitué, c'est-à-dire qu'il y avait évidemment la noblesse, le clergé et pas le tiers état. C'est-à-dire qu'il y avait les élus municipaux, les députés, les conseillers généraux, l'Église et l'armée. C'est-à-dire que je ne sais pas si on a quelques images, parce qu'en fait, on ne va pas montrer un extrait, mais on avait quelques images fixes de ça, voilà. Donc à l'époque, le maire était René Tinard. Et puis on doit voir, je ne sais pas ce que vous avez pris comme image fixe. On voit ces défilés, et ce qui est très intéressant, c'est ça, c'est ce déploiement de force, cet étalage de puissance. Et le public, lui, bah, il est sur les côtés et il regarde passer. Voilà. Et donc ça se voulait quand même un peu une sinon une démonstration, en tout cas une mise en évidence de ce qu'étaient ces fêtes de Jeanne d'Arc, d'où le peuple était exclu, si ce n'est comme le spectateur, et qui était en gros la glorification du pouvoir orléanais. Comme c'était ouvert et qu'on pouvait venir, un beau jour, je vois arriver une jeune fille, 19 ans à l'époque des faits, qui vient avec un projet dont elle va nous parler, et c'était Dominique Cabrera. Alors, je tiens, avant que Dominique prenne la parole, j'ai oublié le principal, c'est pourquoi, c'est le fond de la MCO, il est foisonnant. Il y a à peu près 300, Julie, il y a combien de... Il y a beaucoup de choses. Je vais dire de manière exacte, il y a 278 éléments. Voilà. Mais oui, en gros 250. Voilà, voilà. Il y a énormément de bandes, donc qui sont aussi bien des traces d'animation que des productions. Et il fallait choisir un angle, et j'ai choisi comme angle d'insister plus particulièrement sur les vidéos réalisées par des gens qui ensuite ont continué, ont fait une carrière finalement dans les métiers de l'audiovisuel. Et c'est pas tellement pour me faire passer pour un découvreur de talent, ils n'avaient pas besoin de moi pour exister, mais plus comme un peu un manifeste de la rentabilité sociale des équipements culturels. C'est-à-dire que la décentralisation culturelle, elle a été massacrée. Elle est morte. Ces établissements sont devenus maintenant des fiefs pour des metteurs en scène, etc. Mais il n'y a plus du tout ce travail d'animation et de facilitation des choses pour des gens qui ont envie de produire. Et je trouve ça extrêmement regrettable. Et je trouve que c'était un bon angle de montrer que ces équipements pouvaient permettre, et ça l'a été surtout dans le domaine de l'audiovisuel, curieusement, que du spectacle vivant, qui était quand même la vocation initiale de ces équipements, permettre à des gens qui avaient quelque chose à dire de pouvoir le dire. Voilà. Et c'est dans cette optique-là que sont venus des gens qui sans doute auraient fait du cinéma et de la vidéo sans moi, sans Orléans, mais au moins le fait qu'on soit là et qu'on ait les portes ouvertes, ça leur a permis de commencer. Et donc Dominique Cabrera est arrivée, voilà. Une petite jeune fille timide de 19 ans. Et alors, malheureusement, je ne me souviens de rien. Mais c'est pas grave, on en est tous là, Dominique. Enfin, il y a des choses que je peux essayer de dire, mais je ne me souviens vraiment de pas grand-chose. En effet, ce que tu dis là, ça a compté certainement. Le fait qu'il y a eu un endroit où j'ai pu commencer. Ça, je me souviens très vaguement de manipuler une caméra, d'être près d'un banc de montage. Ça, je m'en souviens. Mais du reste, non, en fait. C'est très troublant. Alors moi, donc, j'avais 19 ans, j'étais à la fac de lettres d'Orléans et j'étais très cinéphile. En fait, j'allais pas tellement à la fac, j'allais beaucoup au cinéma, donc Place du Mar 3, je sais pas si il y a des Orléanais ici. Et je passais beaucoup de temps à regarder des films et puis je regardais aussi le ciné-club à la télévision. Et puis, voilà, quoi, c'est ce qui m'intéressait. Et j'allais une fois par semaine à Sancier, à Paris, suivre les cours de Michel Marie. Et il y avait un diplôme qui s'appelait le DERCAV, à l'époque, que j'utilisais un peu pour, plutôt pour préparer le concours de l'IDEC, en fait, hein, puisque je voulais faire une école de cinéma. Enfin, j'hésitais, je ne savais pas trop non plus. Je pense que j'étais... Enfin, ce que je fabriquais, c'était le genre de film que j'avais fait avec Pierre. Et puis, c'est ça que j'avais dans l'esprit. Et en même temps, j'aimais le cinéma. Et ça ne coïncidait pas forcément. Et ce dont je me souviens, c'est que donc, cette année-là où j'ai fait le film avec Pierre, j'ai passé donc, le concours de l'IDEC, que je n'ai pas eu. Je suis arrivée juste en tête, comme ça, des recalés. Et j'étais très contente, d'ailleurs. Et je me rappelle qu'à l'oral, je leur avais dit, mais de toute façon, tout le monde peut faire du cinéma. Et ça leur avait pas tellement plu. Et ça venait de toi. Ça venait de toi. Parce qu'après, j'ai compris, évidemment, l'énorme... Pour moi, bon, voilà, quoi, il fallait un peu travailler, mais c'était à ma portée, quoi. Et ça, je pense que ça venait de toi. Après, voilà, alors ce film, donc j'étais très féministe, j'étais socialiste, ça comptait énormément, en fait, la politique dans ma vie personnelle, affective, et le groupe de personnes, en fait, qui étaient autour du planning familial, donc qui est le porteur de ce film, c'était aussi les militants socialistes de la section de La Source de l'époque. Et alors, j'ai un peu cherché, là, j'ai téléphoné à quelqu'un, et en fait, ils avaient 7-8 ans de plus que moi, quoi. C'est-à-dire, ils étaient tout jeunes, ils avaient moins de 30 ans, mais pour moi, c'était les adultes, quoi. C'était vraiment, voilà, ils m'aidaient dans la vie. Il y en a une, alors, je ne sais pas l'extrait qu'on va voir, mais... Donc j'ai dû faire le projet de ce film, en fait, autour de l'histoire d'une jeune fille qui avait avorté, parce que le planning, à l'époque, faisait des avortements clandestins, et puis... Enfin, un peu avant, on faisait des avortements clandestins et puis militer pour que les mineurs puissent avoir la pilule et avorter. Et donc, il y avait eu l'histoire d'une jeune fille qui avait dû avorter dans une clinique de la région. Et je ne sais pas comment ni pourquoi, elle avait accepté d'être dans le film. Et donc, j'ai fait ce film avec l'aide de Pierre et ce dont je me souviens, c'est... un peu de certaines séquences de tournage, mais je ne vais pas vous embêter en vous racontant tout ça, mais je me souviens de la fin, en fait. Je me souviens qu'à un certain moment, ça a bloqué et que la personne qui s'appelait Monique, qui m'avait aidé à faire le film et qui jouait dans le film, je ne pense pas qu'on va voir cet extrait-là, mais qui était aussi responsable du planning et en contact avec les parents de la jeune fille... Après qu'on ait regardé le film à la MCO, donc c'était un souvenir comme ça sur le parvis de la Maison de la Culture, où elle me dit, écoute, c'est pas possible, ça va être trop compliqué pour cette jeune fille plus tard, ses parents sont pas d'accord, c'est mieux de la protéger, on peut pas diffuser ce film, voilà. Et ça, je crois que c'était après qu'on ait mis le plan de fin où elle dit, ce n'est pas mon histoire, mais ça peut arriver à tout le monde. Je pense que c'était une tentative. Moi, je pense qu'on a mis le plan de fin après. Ah bon, peut-être. Enfin, pas parce que justement, il y avait ce blocage. Mais... Peut-être. Non, mais je me demande si ce souvenir, c'est pas après qu'on ait revu le film ensemble. Enfin, ça, je suis désolée, hein, mais c'est vraiment une bande vidéo effacée, là, à mémoire. Donc voilà, il y a quelques bribes comme ça. Et donc, ce film n'a jamais été diffusé. Et évidemment, pour moi, c'était très heureux qu'il ressurgisse. Donc je l'ai regardé puisque vous avez eu la gentillesse de me l'envoyer. Ça m'a vraiment intéressé pour moi. Hein. Ça m'a intéressé. Ce qui est très intéressant pour moi, c'est de voir que dans ce geste comme ça, vraiment presque inconscient que j'ai hein, et que tu as eu la gentillesse d'accompagner, bah, il y a vraiment ce que j'ai continué à faire. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a une séquence documentaire, extrêmement documentaire, où la jeune fille, sur un banc, raconte à son amoureux... comment ça s'est passé l'avortement. Et puis il y a une séquence extrêmement onirique où elle raconte, je la filme et puis elle fait exister une scène d'amour en fait où elle fait l'amour avec lui sans protection, en fait c'est pour ça qu'elle tombe enceinte. Et puis il y a un passage très expérimental auquel malheureusement je ne comprends pas vraiment pour l'instant parce qu'il n'y a pas le son, peut-être que s'il est restauré on comprendra de quoi il s'agit. Il y a un passage très expérimental où je pense qu'il s'agit de montrer les activités des hommes et des femmes. Voilà ce que je vois. Il y a des hommes et il y a des femmes. mais on n'a pas le son. Voilà, qui est... Et puis, il y a un poème, dont malheureusement, je ne me souviens pas l'origine non plus. Voilà le compte-rendu de la musique. Si vous avez des questions, voilà. Mais je suis plutôt venue pour essayer de me souvenir, en fait. On va peut-être regarder l'extrait. Donc, ça s'appelait « Mon corps est à moi ». Voilà. Faut quand même, on n'a pas dit très ça s'appelait « Mon corps est à moi » avec un point d'interrogation. On expliquera tout à l'heure le cheminement pour retrouver les films où ils se trouvent maintenant. D'accord. On parlera tout à l'heure avec Julie Guillaume. Il y a un extrait ou deux extraits? Ah, deux extraits, d'accord. Ça, c'est le premier extrait, c'est la scène. Oui, peut-être scène que d'amour. C'est aussi ce qui les a choqués, hein. C'est possible, parce que ça a quelque chose de très... Et voilà le deuxième extrait, ouais. Très documentaire. Donc. Oui, puis on voit son corps à elle, tu vois, elle est presque nue, ouais. On voit son visage. Ouais. Elle devait avoir 15-16 ans. Hein. Je pensais que le médecin allait venir me... de voir comment ça s'était passé pendant les 3 jours au moins, mais jamais il n'est venu. Et pendant 3 jours, j'étais toute seule, j'ai vu que cette dame-là qui venait me voir. Et puis, au 4e jour, maman est venue. Mais le médecin est venu. Il a pensé que ça allait bien, enfin il ne nous l'a pas dit. Et il a dit à un moment seulement que je pouvais repartir, que c'était j'allais à peu près. Et maman a voulu lui demander quand même quelques conseils sur l'opération, mais il n'a rien dit. Et là, c'est parlé de prendre une contraception pour moi, mais le médecin a toujours refusé, quand il a. Il n'a pas du tout voulu ça pour moi. Mais sur l'opération, je ne sais vraiment pas comment ça s'est passé. Ni ma mère, elle a pu avoir aucun détail. Voilà. Voilà les deux extraits. 1976 à Orléans. Moi, j'ai une autre version que Dominique sur les raisons de la non-diffusion de ce film, c'est-à-dire que ce que j'ai entendu, moi en tout cas, c'était, mais les gens vont savoir qu'elle n'est plus vierge, ça va la gêner pour se marier. Cette phrase-là, mais en 1976, quoi, c'est quand même effrayant. Mais ce serait intéressant de la retrouver, cette jeune fille. Hein. Je peux essayer de le faire, ça m'intéresse. Ce dont elle se souvient. Voilà, un prochain projet de film pour Dominique. Oui. La loi a été votée. Je pense, oui. Oui, je pense que la loi. Mais c'est la filière clinique. Ouais. Je pense pas aussi. Que ah oui, là, c'est pas un avortement clandestin qui est raconté. Non, ça désigne aussi tous les lieux. Enfin, oui. Toutes les mauvaises pratiques, on pourrait dire, médicales, parce que tout y est, le silence, l'argent. Refus du médecin, le refus de la contraception, tout ça n'est pas très légal, en quelque sorte. Bien donc sûr. Il y a aussi, et peut-être du côté du planning, la gêne de se montrer à visage découvert, c'est-à-dire... Je pense que, en fait, ils avaient eu connaissance de l'histoire après, c'est pas eux qui l'a... C'est pas le planning qui conduit la jeune fille à la vers ce médecin. Oui, oui. Mais cette espèce d'affirmation à visage découvert est quand même à l'époque très très forte. Oui, on voit que la jeune fille d'ailleurs elle est très volontaire en fait. Ouais. Hein. Moi, je trouve que dans ce film on voit le talent de Dominique Cabrera parce que c'est à la fois sensuel et bon ça se faisait pas du tout dans les films. Qui devait défendre une cause, c'est à la fois sensuel et c'est assez profond quoi, sur la manière dont ce qu'elle a vécu est décrit. C'est pas du tout esquissé en 3 mots. Quoi. C'est, donc c'est à la fois des qualités sensuelles et documentaires, je trouve ça. Mais Daniel, cette séance est placée sous le signe de la sensualité. On n'a que des images de sexe. Mais sensualité, c'est pas uniquement sexe. Alors. Mais non, c'est pour ça que j'ai repris sensualité. Donc, il faut passer à la suite. On va passer à la suite. Extrait, hein. En tout cas, merci Dominique. Oui, ce serait merci bien Dominique. Comment ? Ce serait pas mal de la retrouver. Ouais. De la retrouver. Et c'était il y a 40 ans. Moi, je pense qu'il y a un bon projet à faire autour de ça. Avoir. Oui, puis de l'avortement, de la contraception. Ah, aujourd'hui, enfin, il y a mille choses à faire. Ce que c'était à l'époque, ce qu'on en disait. C'est vrai. Voilà.